Alors cette fête de la Trinité n'arrive pas par hasard après le grand temps du carême, du temps pascal qui a culminé avec la Pentecôte, parce qu'au fond, avec cette effusion de l'Esprit, c'est toute l'œuvre de la révélation qui s'achève. Au fond, le Père a envoyé le Fils et le Fils envoie l'Esprit et l'Esprit envoie l'Église, yes. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie, et il souffla sur eux. Donc cette révélation, eh bien, avant d'entrer dans des considérations, d'ailleurs on n'y entrera pas du tout, métaphysico-théologiques sur la Trinité, on va regarder simplement comment dans l'histoire de la révélation, cette Trinité s'est dévoilée. La première lecture nous parle de Moïse. Moïse qui donc fait l'expérience de ce Dieu unique et transcendant. Rappelez-vous aussi au buisson ardent, quand Dieu lui a parlé, il lui a dit « Je suis celui qui est ». Ça a été le début de sa formation de philosophie, d'ontologie. Mais au fond, qu'est-ce que disait Dieu? Sans doute beaucoup de choses que je ne pourrais pas résumer, mais certainement qu'il est un être qui n'est pas aucun être, mais qui donne l'être à tous les êtres. Vous me suivez? Parce que Moïse vit dans un contexte qui est celui du paganisme de l'Antiquité, c'est-à-dire du polythéisme. Il a connu l'Égypte, où on adore le fleuve Nil, le soleil, l'arbre sacré, peut-être la vache sacrée, non, ça c'est en Inde, etc. Donc tout l'univers est comme magique. Dieu est le total de toutes ces choses, et puis ces dieux, eh bien, ils exercent une tyrannie sur l'humanité. Ils ont des mauvais caractères, il faut les apaiser par des sacrifices, des fois même des sacrifices de personnes humaines. Donc ils pèsent sur l'humanité un poids de destin tragique. La révélation du Dieu unique est comme un tonnerre, ou plutôt une éclaircie dans ce paysage assez sombre, mais quand même très religieux. C'est un Dieu qui dit « Je suis » et toutes ces choses ne sont pas des dieux qui vous menacent, ce sont des bonnes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, tout ce qui rumine dans les eaux, les étoiles, et puis l'homme et la femme, tout cela est bon, et même très bon, et vient d'un Père qui nous les donne avec sagesse et par amour. Donc, révélation d'un Père, un Dieu qui est au-delà de tout, et qui fait apparaître un univers qui est un signe de sa beauté. L'homme et la femme créés à son image, à sa ressemblance, malheureusement, eh bien, ont fait entrer par Satan, un virus de disharmonie dans ce monde. Mais le projet de Dieu ne change pas et à la plénitude des temps, il envoie son Fils comme pour remontrer à l'humanité à quelle image et ressemblance il a été créé. Il est le resplendissement du Père, son effigie fidèle. Celui qui voit le Père. Et il ira plus loin même jusqu'à offrir sa vie en sacrifice afin que l'abîme qui nous séparait de Dieu soit comblé comme par un pont, sa mort et sa résurrection. Et finalement, grâce à ce sacrifice, l'effusion de l'Esprit va être donnée au monde. Autrement dit, l'amour va se remettre à circuler par ce pont entre l'humanité et l'homme. Donc, révélation du Père, renouvelée dans le Fils, et l'Esprit qui permet à l'Église de vivre cette alliance d'amour avec Dieu, d'avoir la présence du Christ perpétuel dans notre cœur, mais aussi dans les sacrements, dans la parole de Dieu. Alors, c'est très beau tout ça, cette révélation, mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On n'était pas là au commencement, à la création, on n'a pas connu Jésus, mais on est dans l'Église. Et je vous rappelle, frères et sœurs, que nous avons été baptisés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, justement pour nous guérir de ce virus de division que le péché a fait entrer dans le monde et que nous soyons de nouveau adoptés, enfin que nous soyons adoptés par le Père grâce à Jésus et que l'Esprit de Fils soit répandu dans nos cœurs. Mais cette réconciliation n'est pas seulement une réconciliation verticale avec la divinité, mais aussi horizontale, une réconciliation fraternelle. Dieu veut que l'humanité puisse trouver un langage de paix et d'amour au-delà ou même grâce aux diversités des cultures, des nations et au-delà des guerres et des divisions. Donc nous sommes appelés comme chrétiens à être témoins de l'unité, pas à la force de nos poignets, mais grâce à cette révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, grâce à cette nouvelle naissance que nous avons reçue par le baptême. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Notre monde a plus que jamais besoin de témoins d'unité et de fidélité. Dieu veut reconstruire son Église et nos sociétés à partir des baptisés, mais aussi à partir du couple humain et de la famille qui sont tellement abîmés par notre société sécularisée qui ne reconnaît aucun ordre dans le cosmos, même dans l'être humain. Nous avions une université d'été de l'Observatoire Justice et Paix et un sociologue nous disait comment nous sommes entrés dans cette ère du transhumanisme où l'homme veut se recréer lui-même, il veut s'affranchir de toute forme de limite culturelle, sociologique et même sexuelle. Il veut pouvoir changer son corps et sa nature parce qu'il ne se reçoit pas d'un ordre qui le précède, mais il veut en être l'auteur lui-même. Et les conséquences de cela, eh bien, c'est un déchirement. C'est une société qui se divise de toutes sortes de manières. L'être humain en lui-même entre dans une angoisse parce qu'il est insatisfait et il n'arrive pas à vivre des relations qui durent et qui fondent des familles. Mais ce plongeon dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous donne, eh bien, cet encouragement, cet accord. Soyez d'accord. Parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, vous savez, en musique, on fait un accord avec trois notes, do, mi, sol. Eh bien, c'est l'accord premier sur lequel nous allons pouvoir chanter l'harmonie de la paix et de l'amour. Et comment faire cela? Eh bien, justement, en venant, je vais dire, c'est un peu bête, moi, ma méthode, mais pour moi, un chrétien, la définition d'un chrétien, c'est quelqu'un qui vient à la messe le dimanche. Parce que ça commence par là. Personne transcende cette méthode-là. Et quand on vient à la messe, on vient pour entendre l'accord des trois personnes qui devrait résonner dans la beauté de la liturgie où il y a une diversité d'instruments, de voix, de signes sacramentels. Mais tout cela nous fait vibrer parce qu'on sent une unité profonde, comme le souffle unique qui passe à travers la diversité des tuyaux de l'orgue que je vois devant moi. Alors, aller à la messe, c'est apprendre à vivre cet accord trinitaire. C'est développer l'oreille musicale, et les musiciens le savent, c'est la première chose à faire, ou la première grande qualité d'un musicien, c'est qu'il sait écouter. Quand on chante faux, parfois je corrige des gens, comme ça je suis un peu sévère avec la justesse, je dis, comment tu veux apprendre à chanter juste? Eh bien, chante moins fort et écoute ton voisin qui chante juste. Et petit à petit, tu vas t'ajuster. C'est ça, venir à la messe. c'est écouter la note juste, l'accord harmonieux de la vie divine, de l'Église, pour que ma vie s'accorde petit à petit et que je sente ce qui est juste dans ma vie. Après, j'ai plus besoin de grands cours de morale ou de me faire surveiller ou flageller par quiconque, mais cette vie de l'esprit va nous donner, encore une fois, de reconnaître cet accord. Et cet accord produit dans le cœur humain la paix. Vivez en paix. La paix, c'est pas zen. C'est pas qu'on n'a pas de problème, on n'a pas de tension, on n'a pas de combat. Si vous n'avez pas de combat, vous êtes en danger spirituellement. Parce que ça veut dire que vous ne progressez plus. D'accord? Donc, rassurez-vous, il y a des luttes, des tensions, des conquêtes à vivre. Mais on sent qu'il y a des paliers où il y a une paix, une harmonie qui grandit dans notre vie. Et c'est ça le signe qu'on avance dans cette paix. Et puis, on peut vivre donc dans l'Église, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. On pourra aussi bâtir cette harmonie en participant à la vie de l'Église. C'est une chose importante parce que on voit souvent, malheureusement, beaucoup de chrétiens qui reçoivent beaucoup, mais qui n'ont pas encore franchi le pas de donner, d'apporter leur pierre à l'édifice, de construire cette unité. Parce qu'une communauté chrétienne, elle a besoin de personnes qui se mettent en service, qui vont se mettre au service les uns des autres dans la charité, dans cette belle harmonie. Vous savez qu'on a plus de 200 bénévoles dans notre paroisse, mais on en manque encore beaucoup. Mais c'est merveilleux de voir cela, de voir cet accord, cette diversité qui se déploie grâce au socle de l'unité, grâce à ce premier accord qu'encore une fois nous entendons dans la liturgie sacrée en venant à la messe le dimanche. Et puis, petit à petit aussi dans notre vie, par la vie spirituelle, en lisant la parole de Dieu, en prenant des temps de prière personnelle, je vais laisser l'écho de cet accord habiter ma vie. Et c'est ça qui est passionnant dans la vie chrétienne, c'est qu'on sent cette harmonie qui grandit, même si je suis encore pécheur, j'ai encore des gros défauts, parfois des chutes plus ou moins graves, mais la miséricorde de Dieu va venir me guérir progressivement et ma croissance dans cette vie de l'esprit où je vais pouvoir écouter la note juste de Dieu dans mon cœur, eh bien, va encore faire de moi une pierre vivante de ce bel édifice. Donc, Dieu, Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui reçoive cet esprit d'amour. Nous sommes habités par les trois personnes depuis le jour de notre baptême. Nous sommes faits pour cette unité. Nous le voyons bien parce que les divisions ou la solitude nous rendent tristes. Nous sommes habités par cette Trinité pour que nous bâtissions encore une fois une société de fidélité, d'unité dans la diversité, de service les uns des autres. Amen.